professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quel tournant, quel choc, quel impact a pu représenter l'expédition d'Égypte en 1798 pour l'Empire ottoman, demande Edem Eldem. Quelle a été la crise égyptienne qui a aussi donné naissance à l'orientalisme ? Face au nouveau jeu des puissances européennes, notamment françaises et anglaises, comment les Ottomans vont-ils inventer un système de décoration, ordres et médailles, à l'occidental, afin de récompenser Nelson et ses braves qui les ont aidés pour la reconquête de l'Égypte, joyau de l'Empire ottoman ? Quel est le caractère formaliste des innovations comme les traductions d'Atlas pour l'Empire ottoman qui cherchent les voies plus ou moins superficielles de la modernité ? Titulaire de la chaire internationale d'histoire turque et ottomane au Collège de France, professeur à l'Université du Bosphore, Edem Eldem s'attache cette semaine, dans le cadre de sa série consacrée à l'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident, au changement sensible du rapport de force au XVIIIe siècle, tandis que les Ottomans, depuis la fin du XVIIe, ont commencé à perdre prise, leurs interlocuteurs occidentaux, eux, se font de plus en plus puissants et souvent arrogants. Dans sa présentation pour le Collège de France, l'historien turc souligne, et je le cite, que l'expédition d'Égypte de Bonaparte est un tournant décisif dans l'histoire de l'Empire ottoman, mais aussi dans celle de la région tout entière, ainsi que dans celle des rapports entre Orient et Occident. Élément fondateur de l'orientalisme savant, la description de l'Égypte, coup d'envoi d'une politique coloniale française et britannique en Méditerranée et au Moyen-Orient, début de la formation d'un État moderne en Égypte, cet événement constitue pour les Ottomans un traumatisme dont ils ne se remettront jamais entièrement. Incapable de répondre à ce coup de force par les armes, la sublime porte se retrouve à la merci d'alliances internationales pour assurer sa propre survie dans un environnement de plus en plus menaçant. Le cours précédent s'était achevé sur un exemple qui permet, nous dit-il, une lecture critique de la nature de cette nouvelle modernité. Le tableau des nouveaux règlements de l'Empire ottoman de Mahmoud Raïf Efendi, publié au moment même où l'Empire se voyait confronté à un des événements les plus marquants et traumatisants de la période, l'expédition d'Égypte en 1798, menée par un jeune général français du nom de Bonaparte, rappelle Edem Eldem. S'appuyant encore sur les sources alternatives et stimulantes offertes par les peintures, nous plongeons dans les enjeux de la perte du joyau égyptien. Nous gagnons tout de suite l'amphithéâtre du Collège de France le 26 janvier 2018 pour le cours d'Edem Eldem, l'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident, aujourd'hui les premiers signes d'engagement. 1798, c'est donc l'expédition d'Égypte, la conquête de l'Égypte par, vous savez qui ? L'expédition d'Égypte qui va complètement bouleverser les Ottomans parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Ce tableau de Jérôme est assez amusant quand on voit le face-à-face entre le Sphinx et Bonaparte. C'est un tableau qui est daté de 1886, qu'il a exposé lors du salon de 1886 et qu'il avait appelé Œdipe. Le mystère reste entier. Donc, mais ce qu'il y a de très particulier à ce tableau et à l'œuvre de Jérôme, c'est son aspect extrêmement cinématographique. Ce tableau se trouve aux États-Unis, qui sont très friands de Jérôme, en Californie, en fait dans le château de Randolph Hearst. Jérôme est un de ces peintres orientalistes qui ont eu une influence énorme sur la perception de l'Orient par l'Occident, mais aussi sur une certaine perception de l'Orient par lui-même. Et l'un de mes héros, Osman Hamdi Bey, est quelqu'un qui, s'il n'a pas vraiment étudié sous Jérôme, a été fortement influencé par son art et qui, par conséquent, a reproduit des stéréotypes, des clichés orientalistes, produisant ainsi un des exemples les plus fascinants de ce qu'on appelle l'orientalisme ottoman. Mais pour en revenir à Jérôme et cette toile, ce qu'il y a de magnifique, c'est le côté cinématographique. Il faut se souvenir que Jérôme est à l'origine de la plupart des stéréotypes cinématographiques hollywoodiens que l'on connaît aujourd'hui en rapport avec la Rome antique. Tout ce qui est gladiateur, pollice verso, vous savez, le pouce vers le bas, tout ça, c'est de l'invention de Jérôme, et ça a été repris au XXe siècle, depuis Ben-Hur jusqu'à Gladiator, par nombre de producteurs de films hollywoodiens. Donc, ça rend, si vous voulez, Jérôme intéressant, même si, d'un point de vue purement artistique, il a été très vite décrié. Son style pompier, trop léché, son orientalisme qui, déjà dans les années 90, était passé de mode. Tout cela a fait qu'en France, il a été en grande partie oublié. Mais, ainsi que je le disais, les Américains lui ont fait la part belle dans leurs musées, dans leurs collections privées. Et ce n'est qu'en 2010, avec une exposition au musée d'Orsay, que Paris s'est souvenu un peu de Jérôme et de son rôle en tant que peintre d'histoire. Mais, bien sûr, pour les besoins de mon cours, il s'agit ici de vous parler de l'expédition d'Égypte. Parler de l'expédition d'Égypte en France, à Paris et au Collège de France, ça n'est peut-être pas très intéressant. Je vous rappellerai, nous avons dans nos murs l'un des plus grands spécialistes de l'expédition d'Égypte, Henri Laurence, mon collègue, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire du Moyen-Orient moderne, du monde arabe moderne, et celui qui a le plus écrit sur l'expédition d'Égypte, qui a parlé des origines intellectuelles de l'expédition d'Égypte, qui a parlé du fait que l'expédition d'Égypte était à la source, en quelque sorte, de la connaissance de l'Orient et d'une connaissance que l'on appelle aujourd'hui orientaliste, qui est un mélange de clichés et, par conséquent, de biais idéologiques, mais aussi d'érudition, d'études, de sciences. Vous vous souviendrez bien sûr de ce que représente la description de l'Égypte, l'ouvrage monumental qui accompagne cette expédition, plutôt qu'il la suit, puisque c'est quelques années plus tard qu'il sera produit, avec justement ce mélange d'orientalisme, comme vous voyez dans le cadre de cet Égyptien moderne accroupi dans un coin d'un temple égyptien. Donc ce méli-mélo du passé et du présent oriental, un peu figé dans le temps, c'est quelque chose que l'on associe facilement avec les points forts de l'orientalisme. Et c'est donc au cours de ces volumes et de ces planches illustrées que l'on voit cette symbiose, si vous voulez, entre une vision extrêmement claire des ruines, du passé, un travail d'archéologue, si vous voulez, avec un travail d'anthropologue ou d'orientaliste, les chameaux et les ruines, l'aiguille de Cléopâtre et les soldats de Bonaparte. Cette magnifique gravure avec les détails de ce qu'on appelle la colonne de Pompée, ce sont des exemples typiques de ce recensement du patrimoine égyptien, en quelque sorte, et que les Égyptiens eux-mêmes considèrent, avec l'expédition d'Égypte, une sorte de naissance de la modernité égyptienne, voire même de la nation égyptienne. Mais bien sûr, ce qui m'intéresse, ça n'est pas tant le détail de cette expédition et son impact sur l'Occident, en termes de connaissances transmises à un public quand même assez restreint, mais qui deviendra de plus en plus large, et spécialement grâce à la prolifération de ces stéréotypes, de ces clichés, à travers l'architecture urbaine, notamment à Paris. Vous connaissez nombre de monuments à Paris qui sont inspirés directement de l'Égypte. L'égyptomanie a été très présente dans la rénovation, en quelque sorte, de Paris au XIXe siècle. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder l'Égypte de Constantinople, du centre de l'Empire, de voir un peu comment l'Empire, l'État, le centre, le sultan, son divan réagissent à ce coup de maître, puisque quand même c'est une invasion extrêmement rapide qui déjà parle d'une modernité militaire, une expédition militaire extrêmement réussie. Et les Ottomans ne sont mis au courant de cela que très tard, ce n'est que environ 20 jours plus tard que Istanbul est informé de l'occupation de l'Égypte. 20 jours, c'est beaucoup, surtout aujourd'hui, mais 20 jours, ça vous donne une idée de ce qu'est un empire moderne, un empire pré-moderne, si vous voulez, un empire qui n'a pas encore la technologie qu'il faut pour, justement, assurer des communications à une vitesse et avec une centralisation que l'on imagine avoir existé. Et en plus, ces 20 jours, c'est grâce à un des capitaines de la flotte de Nelson. Ce n'est même pas un courrier ottoman, c'est un étranger, un autre étranger, d'ailleurs un étranger sur lequel on va énormément compter pour essayer de se débarrasser de Bonaparte. Donc c'est Nelson, en quelque sorte, qui avertit les Ottomans, et la réaction de Selim III, le sultan, vous le voyez ici assis sur son trône, dans la seconde cour, la cour centrale, si vous voulez, du palais de Topkapı à Istanbul, entouré de ses dignitaires et d'une partie de son armée, sa réaction est assez sidérante. Il dit « Les infidèles, c'est comme ça qu'on les appelle, les infidèles nous ont trompés pendant 6 ans. Il se réfère probablement à 1792, la République, en quelque sorte, comme étant un point tournant des relations entre la France et l'Empire ottoman. À nous de les faire attendre pendant 6 mois et occupons-nous de nos affaires. Vaquons à nos affaires. İşimize bakalım, en turc. Bon. C'est dit, bien sûr, en désespoir de cause, parce que il ne peut pas réagir comme le voudrait son divan, son conseil, c'est-à-dire qu'il ne peut pas déclarer la guerre. Il n'a pas les moyens d'engager une expédition punitive, une reconquête de l'Égypte. Et d'ailleurs, malgré les déboires de Bonaparte en Égypte, il sera quand même obligé de lui-même de plier bagage en 1799 après des revers, les Français tiendront bon jusqu'en 1801 et ils ne seront délogés que grâce à l'intervention jointe des Britanniques, des Anglais et des Ottomans. Donc c'est un signe de faiblesse, si vous voulez, qui est quand même extrêmement important dans la perception que les Ottomans auront de leur place dans le monde. Je vous le disais la dernière fois, perdre un château fort, une forteresse sur la frontière autrichienne, perdre même une région entière en Bessarabie, entre la Russie et l'Empire ottoman, ça n'est pas exceptionnel. C'est quelque chose qui fait partie d'un jeu qui est joué depuis le XVe, XVIe siècle. Mais perdre le joyau de la couronne, parce que l'Égypte, ça n'est pas rien, c'est la province la plus riche de l'Empire, la perdre à un corps expéditionnaire de 300 bateaux et en si peu de temps, sans même pouvoir réagir, ça, c'est grave, c'est un choc. Et par conséquent, si l'on veut donner une sorte de date charnière pour essayer de comprendre quand les Ottomans ont vraiment été convaincus de leur faiblesse et de la nécessité qu'ils avaient de revoir leurs relations internationales, la diplomatie européenne, afin de survivre dans un monde où ils n'avaient plus pied, Je pense que 1798 est un bon tournant. C'est une date comme une autre. Vous savez que les historiens aiment bien jalonner le récit de dates. Les dates sont toujours arbitraires. Quelqu'un vous dira que telle autre date est plus importante. Ça se discute. Mais lorsque l'on considère cette vision du rapport de force entre les Ottomans et l'Europe, et notamment la perception de ce rapport de force par les Ottomans eux-mêmes, je pense que 1798, la claque, la gifle de 1798, l'affront de 1798, le traumatisme de 1798 joue un rôle exceptionnellement important dans cette prise de conscience d'une certaine faiblesse face à l'Europe. Et par conséquent, ce qui m'intéresse vraiment dans cette expédition d'Égypte, indépendamment du côté fascinant de la découverte de la révolution scientifique et de la naissance de l'orientalisme, etc., c'est cela. C'est le fait que c'est un tournant, c'est un moment extrêmement important dans la perception que les Ottomans ont d'eux-mêmes et de cette Europe qu'ils commencent à découvrir ou à découvrir de manière plus systématique. Je vous donnerai un seul exemple de l'impact de cette expédition. C'est un exemple extrêmement symbolique, même marginal, mais il est très parlant parce qu'il est très visuel. C'est celui de l'influence que l'expédition d'Égypte a eue sur un aspect très particulier des transformations ottomanes, l'introduction des décorations à l'européenne. Les Ottomans, on a souvent parlé, je vous ai souvent parlé de l'étiquette ottomane, du protocole, de la manière dont les Ottomans géraient leurs relations diplomatiques avec l'Occident sur un pied d'inégalité ou du moins sur une représentation théâtrale de l'inégalité. La question des décorations, c'est-à-dire des prix que l'on donnait aux soldats et officiers méritants, et quelque chose qui, jusqu'au tournant du XIXe siècle, sépare complètement les Ottomans des Européens. Les Européens ont une tradition féodale, médiévale, qu'ils se réinventent, et par conséquent, ils pratiquent l'art de la décoration, les médailles qui remontent aux phalères de l'Empire romain, c'est-à-dire à une tradition bien ancrée de la commémoration de certains événements par la frappe de médailles. Vous avez aussi les ordres de chevalerie et autres, qui eux aussi sont une invention ou une réinvention d'une tradition médiévale, et qui sont très présents dans la manière, notamment au XVIIIe siècle, où l'aristocratie et l'armée en Europe récompensent les officiers, voire même les soldats méritants. Les Ottomans n'ont rien de cela. Les Ottomans ont des méthodes extrêmement différentes de récompenser la bravoure, la bravitude, n'est-ce pas, comme cela a été dit, à récompenser la bravoure, notamment les polices, c'est-à-dire des fourrures. Et ce qui est amusant, c'est que quand vous lisez les descriptions de la réception de quelqu'un que l'on veut honorer d'une, deux, trois polices, vous faites cette idée assez incongrue d'un pauvre type qui finit par endosser trois fourrures l'une sur l'autre. Et c'est un peu ce qui se passe, parce que c'est purement symbolique. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, sachez que les fourrures dans la tradition ottomane, ce qui est très logique d'ailleurs, se porte à l'envers, ou plutôt à l'endroit, c'est-à-dire que la peau, le poil de l'animal est à l'intérieur, c'est ça qui tient chaud. C'est moins joli à voir de l'extérieur, mais d'un point de vue purement rationnel, c'est beaucoup plus intelligent que de porter la fourrure à l'extérieur. Et puis, vous avez d'autres décorations, vous avez des sabres d'honneur, vous avez tout ce qui est joaillerie, si vous voulez, qui récompense par la valeur intrinsèque des objets qui sont donnés, qui récompense la bravoure. Et le cas s'est présenté donc en 1799, lorsque Nelson avait réussi quand même à arrêter, à freiner l'avancée de Bonaparte, et que les Ottomans avaient voulu le récompenser. Il l'avait fait avec une décoration purement ottomane que vous voyez à gauche. Je n'en ai qu'une photo noir et blanc pour la bonne et simple raison qu'elle a été volée dans un musée britannique dans les années 60. Donc nous n'avons pas d'image couleur, mais enfin bon, ce sont des diamants. On n'a pas de mal à s'imaginer à quoi cela ressemblait. C'est ce qu'on appelle un Cheleng. Cheleng, guirlande, c'est un terme qui décrit toutes sortes de choses. Pour les besoins d'un contexte occidental, il s'agit en fait d'une aigrette, d'une plume. Et vous la voyez d'ailleurs au chapeau de, au bicorne de Nelson sur la droite. Nelson en était très fier, parce que justement c'était très différent des décorations et des ordres purement occidentaux qu'il portait. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que les Ottomans ont été en quelque sorte forcés par les Britanniques à s'inventer un ordre de chevalerie, l'ordre dit du croissant, qu'eux-mêmes n'ont jamais utilisé, si ce n'est pour le distribuer à des officiers britanniques. Le voici, et vous le voyez là, sur, à nouveau, la tunique, la veste de Nelson. Voici, et là aussi, c'est un objet qui a été volé dans les années 60, donc encore une fois, il est en noir et blanc. Mais c'est un objet qui est en fait une sorte de combinaison de la tradition ottomane de récompenser les gens par des joyaux, et la tradition occidentale de dessiner ces objets de manière à signifier quelque chose et à transmettre une vision symbolique de l'état ou de la personne dont ils émanent. D'où la lune et l'étoile, le croissant et l'étoile. Parce que, contrairement à ce que l'on pense, ce qui est encore aujourd'hui le symbole de la Turquie, et parfois et de bien d'autres pays d'ailleurs qui s'en sont inspirés par la suite, le croissant et l'étoile n'est pas un symbole profondément turc ou ottoman. C'est à la fin du 18e siècle, justement pendant cette période de modernisation, que les Ottomans ont commencé à utiliser des symboles qui se rapprochaient de la tradition occidentale, notamment dans la marine, puisque c'est dans la marine que le drapeau, l'étendard, a énormément d'importance. Et c'est vers les années 1790 qu'on voit les Ottomans pour la première fois utiliser non des étendards qui sont décorés, disons, de l'épée à double tranchant ou à deux pointes de Ali, ou à des inscriptions coraniques comme la profession de foi, comme c'est encore le cas en Arabie Saoudite, mais par un nouveau symbole qui est directement lié au fait qu'il était déjà associé avec eux par les Occidentaux. Le croissant, souvent combiné avec l'étoile. Et ça deviendra, au cours du XIXe siècle, le symbole, un des symboles par lesquels l'État ottoman va s'identifier, va s'exprimer sur la scène internationale. Donc là, vous voyez quelque chose d'intéressant, qui est la confection, l'invention d'un symbolisme qui n'a pas vraiment de sens aux yeux des Ottomans, mais qui est créé, qui est inventé afin de satisfaire la demande, l'attente des Occidentaux. Et c'est le cas aussi de cette première médaille ottomane. Et vous voyez avec le 1801 qu'elle fête, en quelque sorte, elle célèbre la reconquête de l'Égypte. Encore une fois, une médaille qui fut distribuée en or et en argent aux officiers et aux soldats de l'armée britannique pour les récompenser de cette aide qu'ils avaient fournie à l'Empire ottoman pour reconquérir l'Égypte envahie par Bonaparte. Ce qui est intéressant, c'est que pas un officier ottoman, pas un soldat ottoman ne la recevra. C'est un produit, c'est un symbole, on dit généralement bon pour l'Orient, bon pour l'Occident. C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on produit quelque chose qui n'a d'autre but que de satisfaire l'attente de son interlocuteur, en l'occurrence les Occidentaux. Et ce, jusque dans les années 1820. Ce n'est que vers la fin des années 1820 que les Ottomans commenceront à pratiquer pour eux-mêmes cet art, ce symbolisme qu'ils avaient, non pas hérité, mais tout simplement copié sur les Occidentaux, et que les Ottomans, les officiers, les dignitaires ou même les soldats ottomans commenceront à arborer des décorations locales, des décorations ottomanes. D'ailleurs, à tel point que, vers la fin du XIXe siècle, les dignitaires ottomans sont reconnaissables à leur poitrail couvert de médailles étrangères et locales. Ils ressemblent souvent à des sapins de Noël. Donc, voici un exemple concret, un exemple visuel qui vous donne une idée de la nature de cette relation. La relation qui met les Ottomans dans une situation de besoin, en quelque sorte, de ce soutien occidental, et les Occidentaux qui, par ce moyen, imposent aux Ottomans une certaine manière de faire, de voir, de représenter les choses. C'est un début d'occidentalisation qui, contrairement à ce que l'on voit au XVIIIe siècle, n'est plus une sorte de curiosité dont on se sert pour agrémenter tel ou tel palais. Là, on voit bien qu'il y a un fondement politique, qu'il y a une volonté politique, qui est encore plus forte du côté de l'Occident, de transformer la manière dont les choses se font dans cet empire. Le Collège de France et France Culture vous présente Edem Eldem dans le cadre de sa série L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident. Aujourd'hui, les premiers signes d'engagement. Revenons à Mahmud Raif Efendi. Vous vous souviendrez de cet auteur ottoman qui avait publié en 1798, justement quelques semaines avant l'expédition d'Égypte, avait publié en français, il le publiera en allemand en 1803, ce fameux tableau des nouveaux règlements de l'Empire ottoman. Un ouvrage que j'avais en partie analysé, et j'avais souligné le fait que cet ouvrage est remarquable par son désir de conquérir un lecteur occidental. Puisque une des particularités de ce livre, c'est qu'il n'existe pas en turc. Un historien, Kemal Beydilli, dans les années 90, a retrouvé dans les archives un texte turc qui semble être l'original de ce qui, une fois traduit en français, donnera cet ouvrage. Seulement, je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment le cas d'un original traduit en français. Il y a de fortes chances que ce soit un texte turc traduit du français. C'est-à-dire que la version originale, dès le départ, ait été conçue en français. Et je vous avais montré certains termes, notamment la politique, qui apparaît dans cette préface, que je jugeais pratiquement intraduisible en turc. Et c'est surprenant, mais le texte turc que l'on a découvert sur le tard, et qui donc est un texte manuscrit qui n'a jamais été publié, n'a pas de préface. La préface n'y apparaît pas. Est-ce que cela confirme mes doutes ? Probablement, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a un registre, une rhétorique, un contexte dans ce livre qui est encore une fois bon pour l'Occident. On produit pour l'Occident, on produit pour convaincre l'Occident de ce que l'Empire ottoman est capable de se régénérer et qu'il est en train, il est en marche vers une modernisation qui reprend les principes de base de la réussite occidentale. Ce Mahmoud Raïf Efendi est l'auteur, en 1803, donc 5 ans plus tard, d'un second ouvrage qui, cette fois-ci, est un peu l'inverse de son tableau des règlements, puisque cette fois-ci, il s'agit d'un ouvrage traduit du français ou de l'anglais, on n'est pas encore tout à fait sûr, et publié en turc, imprimé à Istanbul, à Üsküdar, dans cette imprimerie nouvellement reconstituée et rattachée à l'école impériale du génie. Et ce livre, cet ouvrage, dont vous voyez le frontispice, couronné, alors là aussi, vous pouvez lire, si vous voulez, la combinaison d'un symbolisme occidental avec un symbolisme plus traditionnel ottoman. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle la tula, c'est le chiffre, le monogramme, c'est le nom du sultan, qui change avec chaque sultan, qui reste tout aussi illisible d'un règne à l'autre, mais c'est l'essence, si vous voulez, de la représentation de l'État dans la tradition ottomane, du moins jusqu'au XIXe siècle, puisque l'Empire, c'est le sultan. Je vous rappelle l'excellent ouvrage de Gilles Weinstein et de Nicolas Vatin, Le Sérail ébranlé, qui est une étude de la mort et de la succession dans l'Empire ottoman, où il montre que lorsque le sultan meurt, l'État meurt aussi. Et que par conséquent, la succession immédiate, la garantie que l'héritier sera sur le trône immédiatement après, est la seule garantie que l'État ait de survivre. Donc, la Toula, c'est très ottoman. Mais, en revanche, ça, c'est presque napoléonien. La couronne de laurier. Et toutes ces décorations, encore une fois, sont extrêmement occidentales, voire orientalisantes. C'est-à-dire que vous y voyez beaucoup de thèmes qui sont propres à la décoration, à l'illustration du XVIIIe siècle, mais qui font usage de certains éléments, notamment le croissant, que l'Occident associe de plus en plus systématiquement à l'islam et à l'Empire ottoman, puisque l'Empire ottoman, c'est l'islam et vice-versa. D'Europe. Donc, c'est intéressant de voir que la constitution de cette page parle déjà d'un effort de combiner une symbolique, une rhétorique visuelle occidentale avec les besoins d'un empire ottoman. Mais l'ouvrage en lui-même, c'est un atlas. Cedid Atlas Tercümesi. Tercüme, d'où dragoman, c'est traduction. Jadid, c'est nouveau. Atlas, bon, c'est un atlas. Le nouvel atlas traduit, ou la traduction du nouvel atlas. C'est un ouvrage qui, en fait, est une traduction d'un ouvrage publié en 1793 par, comment s'appelait-il, William Faden. C'est un atlas, c'est un atlas dernier cri, puisqu'il est daté de 1793, et Mahmoud Raïf Efendi s'est attelé à la tâche de traduire cet atlas. Alors, vous vous souviendrez que nous avions vu d'autres exemples d'atlas ottomans, notamment la publication en 1730 de l'Atlas Minor par Kiratip Çelebi, par Ibrahim Müteferrika, lors de cette révolution de l'imprimerie dans les années 1720. Ceci donc fait suite en quelque sorte à cette tradition, mais avec une perfection qui est surprenante. C'est-à-dire que si vous superposez l'image de l'atlas de Mahmoud Raïf Efendi et celle de l'atlas de Faden, vous voyez que ça correspond absolument. C'est une copie conforme. Mais là, Contrairement au tableau des règlements, il s'agit de produire quelque chose pour un public ottoman. Donc, tout est en ottoman, tout est en turc, avec des caractères arabes. D'ailleurs, si vous regardez le cartouche de l'original, vous y voyez un style qui est très caractéristique de l'âge des découvertes, si vous voulez, le XVIIIe siècle, avec toutes sortes de références au commerce et à l'exotisme de la découverte, avec l'intitulé qui donne bien les États-Unis d'Amérique, de l'Amérique du Nord, et les territoires britanniques et espagnols. En turc, c'est plus succinct. C'est-à-dire que vous avez América, Inghilterre ve İspanya devletlerinin ve İngiliz Cumhurunun ülkelerinin haritasıdır. Alors, je traduis, donc c'est l'Amérique, titre générique, et les territoires des États d'Angleterre et d'Espagne et des républiques anglaises. C'est comme ça qu'ils traduisent en quelque sorte les États-Unis d'Amérique. C'est un concept nouveau. Et ülke, c'est intéressant parce que ülke est un terme qui, en général, est associé avec la réforme linguistique du XXe siècle. On dit en général memalik, mulk au pluriel. Ülke, c'est du turc. C'est vraiment du turc profond, si vous voulez. Et haritasıdır, c'est la carte de. Bon, un cartouche qui, en gros, traduit, en plus simple, le cartouche original. Seulement, c'est donc un exemple typique, un excellent exemple d'un effort intellectuel, scientifique, cartographique, de copier et par conséquent de diffuser dans un contexte tout autre, un contexte étranger, les avancées scientifiques de l'Europe. Et ainsi que je vous le disais, 10 ans d'écart entre l'original et la copie, c'est très bien au XVIIIe siècle. C'est pratiquement du contemporain. Seulement, lorsqu'on se penche un peu sur cette carte et que l'on regarde un peu le détail de cette carte, on y voit des éléments qui sont surprenants. Puisque l'un des gros problèmes, c'est la toponymie. Les Ottomans ne sont pas vraiment familiers avec les républiques anglaises, comme ils les appellent, et par conséquent, il y a tout un travail de savoir comment traduire la toponymie de cette carte en turc. Et pour cela, ils utilisent deux méthodes. L'une qui est assez évidente, c'est de traduire tout en transcrivant, c'est-à-dire de conserver la phonétique d'origine. Donc, York Jedid, c'est la nouvelle York, c'est New York. Carolina Ishima Ali, ça fait exotique, mais en gros, c'est la Caroline du Nord. Jezire Rod, alors ça surprend un peu plus. Jezire, c'est l'île. L'île de Rod, c'est Rhode Island. Des toponymes que nous connaissons bien. Seulement, d'autres toponymes sont carrément traduits. Et là, on est quand même surpris, pour ne pas dire sidéré. Güzel millet, ce qui veut vraiment dire, en bon turc d'aujourd'hui, la belle nation. Bara adalajı. Alors, c'est les îles des vignes. Le lac de l'ours blanc, Beyaz Ayıgölü. Les îles de la robe, Entari adalajı. L'île longue, Uzunada. L'île de grâce, Kerim adası. Korkuburnu. Le nez, littéralement, donc le cap de la peur. Bulbul Kalesi, ce qui fait rêver quand même, c'est le fort du Rossignol. Et Kokmuşso, c'est l'eau qui pue. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Eh bien, lorsque vous regardez à quoi cela correspond, la belle nation, c'est les Indiens, c'est la nation indienne que les Américains à cette époque-là appellent la Fair Nation of Arkansas, de l'Arkansas. Baradalave, l'île des vignes, c'est Martha's Vineyard Islands, que l'on connaît puisque c'est la résidence de certains présidents des États-Unis. Le lac de l'ours blanc, c'est effectivement le White Bear Lake. Alors, les îles de la robe, c'est Waste Coast, Waistcoat Islands, c'est carrément la jaquette. Et l'île longue, on s'en doutait, c'est Long Island, tout près de New York. L'île de grâce, c'est Providence Key. Vous savez peut-être que les îles au sud du côté de la Floride s'appellent des Keys, c'est un terme local. Le Cap de la peur, c'est Cape Fear. Et les deux derniers rajouts, ce sont des rajouts francophones. C'est effectivement le fort Rossignol en Nouvelle-Écosse et la rivière Puante au Québec. Elle existe. C'est un toponyme. Alors, c'est amusant. Mon objectif n'est pas de vous amuser. Disons que mon objectif n'est pas simplement de vous amuser avec cette toponymie un peu fantaisiste, c'est de réfléchir à ce que cela représente vraiment. Mettez-vous à la place d'un navigateur ottoman qui voudrait faire usage de ce nouvel atlas. À quoi vous sert de savoir que la rivière Puante, ça veut dire Kokushu? Ou savoir que l'île longue, Long Island, se traduit par Uzunada? Ça n'a aucun sens. Ce qu'il vous faut, c'est un repère, ce sont des références qui, in situ, lorsque vous serez en train de naviguer dans les eaux des républiques anglaises, vous permettront de vous retrouver, ne serait-ce qu'en baragouinant la manière dont tel ou tel nom est prononcé. Il y a donc un problème essentiel, c'est celui que c'est une traduction qui n'a aucune véritable utilité. C'est une traduction dans le sens le plus pur du terme, c'est-à-dire qu'on traduit parce que traduire, c'est traduire, mais on ne se pose pas la question de savoir pourquoi on traduit ou pourquoi on ne devrait pas traduire dans certains cas et conserver la phonétique afin de permettre un échange une fois dans ces eaux-là. Et l'explication, c'est bien sûr que le problème de base, c'est qu'il n'y a pas de navigateur ottoman dans l'Atlantique. Et que par conséquent, l'objectif de cet atlas n'est pas vraiment de fournir à certaines personnes, notamment des navigateurs, des marins, un outil de navigation, mais simplement d'avoir traduit quelque chose. C'est ce qu'on appelle en anglais une checklist. Avez-vous un atlas? Oui. Avez-vous un atlas récent? Oui. Et vous avez donc une sorte de cahier des charges, et ça c'est quelque chose de très typique de la modernisation, de l'occidentalisation au XIXe siècle. Beaucoup des efforts qui sont faits vers la production d'objets, de textes, d'outils modernes, se font uniquement pour les avoir et pas forcément pour s'en servir. Pas forcément avec en tête l'idée de la manière dont cette information, de la manière dont ce texte pourra être utile. Et pour vous expliquer de quoi je veux parler, permettez-moi de vous montrer un autre texte pratiquement contemporain, de 1812. C'est l'histoire, Tarikh, de Jabi Ömer Efendi. Jabi Ömer Efendi est un auteur du début du XIXe siècle qui est connu pour avoir rédigé une histoire des règnes de Selim III et Mahmoud II. Et c'est une histoire, c'est une chronique, si vous voulez, dans la tradition ottomane, qui relate des événements. Et elle a été récemment transcrite, publiée, une édition critique en a été donnée. Il y a des informations qui sont extrêmement intéressantes, puisque chaque chronique a son propre point de vue, sa propre perspective, se penche sur certains événements, en souligne d'autres. Donc c'est extrêmement intéressant. Et encore aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément de chroniques que nous n'avons soit pas encore dénichées ou pas encore étudiées et qui mériteraient de l'être afin que nous ayons une meilleure compréhension de l'état de l'Empire ottoman au XVIIIe et au XIXe siècle. Seulement, j'ai choisi dans ce volume Deux pages, c'est carrément un texte de deux pages qui commence ici, Birkaç Kalyoncu, et qui relate une histoire assez intéressante. La voici. Nous avons entendu dire par quelques marins et sergents de vaisseau qu'il y a de cela plus de 150 ans, une grande disette ayant frappé l'Angleterre, bien des gens en périrent. Et le roi, ayant vu que les pauvres et autres gens de son royaume allaient mourir de faim, il fit embarquer sur des bateaux 30 000 personnes, femmes et enfants compris. Avec l'aide de Dieu, ceux-ci atteignirent une très grande île du nom de Malikan, dans la mer extérieure, fort distante de l'Angleterre, plus vaste que la Roumélie et de climat tempéré. Les soldats ayant grande faim, ils accostèrent et débarquèrent immédiatement sur l'île et reprirent des forces en mangeant des herbes, des racines, des fruits qu'ils y trouvèrent. Les navires ayant trouvé un havre où ils mouillèrent quelques jours, ils leur laissèrent une quantité suffisante d'outils, tels des scies, des pioches, des haches et des enclumes, et s'en retournèrent en Angleterre et en informèrent le roi. Et ça continue. Vous voyez cette petite communauté d'exilés devenir une véritable nation qui, au bout de quelques siècles, est pratiquement aussi puissante que l'Angleterre et dont les navires commencent à apparaître en mer Méditerranée. Vous avez compris, c'est l'Amérique, c'est la naissance des États-Unis d'Amérique. Alors, là aussi, la question est de savoir comment est-il possible, après la publication en 1803 de ce magnifique atlas, qui va jusqu'à donner la toponymie des États-Unis, jusqu'au détail du lac de l'ours blanc et le cap de la peur et la rivière puante, comment est-il possible qu'en 1812, un historien, enfin, n'exagérons pas sur historien, c'est un auteur, disons, puisse débiter de telles sornettes pour rendre compte à son public, à ses lecteurs, de l'histoire des États-Unis, c'est-à-dire cet épisode bien connu de l'exil de Mayflower, les Pilgrims, on connaît bien l'histoire, 1622, etc. Comment est-ce possible? C'est possible tout simplement parce qu'il y a deux registres. C'est-à-dire que, d'un côté, en surface, vous avez la production de cette haute littérature qui s'inspire de l'Occident, qui traduit les œuvres de l'Occident, et qui, par conséquent, a un objectif de modernité, qui sait ce qu'elle fait, même si elle ne sait pas pourquoi elle le fait. Et puis, vous avez la vaste majorité, et Ömer Jabi, Ömer Efendi, n'est pas un ignorant, c'est quand même un bureaucrate de l'administration des fondations pieuses, c'est quelqu'un qui sait écrire une histoire, c'est quelqu'un dont la calligraphie, de toute façon, on n'est même pas sûr que ce soit la sienne, mais dont l'orthographe et dont la maîtrise de la langue est tout à fait remarquable, c'est quelqu'un qui fait partie, non pas d'une sorte de plèbe intellectuelle, mais vraiment d'une classe moyenne, même plus que moyenne, d'une classe intellectuelle ottomane au début du XIXe siècle. Et ce pauvre Ömer Jabi Efendi ne sait pas que Malikan, c'est les États-Unis, que c'est América. Donc, c'est là qu'on commence à comprendre que cette modernisation, cette transformation, elle n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Et le problème, c'est que la plupart des auteurs qui se penchent sur la modernité, sur la modernisation, ne voient qu'un aspect des choses. C'est-à-dire qu'ils se penchent, en quelque sorte, sur une hagiographie, un récit triomphaliste de ce qui est fait et qui va dans le sens de la modernité. Et là, ça marche très bien, puisque vous avez des auteurs qui se suivent, Kiaratip Chelebi, Ibrahim Mutefeleka, vous avez des ambassadeurs, vous avez des traducteurs, vous avez des géographes, etc. Vous avez une belle histoire qui vous donne une séquence d'événements, de textes, de documents qui se tiennent et qui vous donne une notion de modernité, de modernisation, d'occidentalisation. Et puis, vous avez le reste, c'est-à-dire l'ignorance totale de ce qui se passe en dehors de sa petite région. Istanbul pour certains, une province pour l'autre, l'incapacité. Et cela vous fait comprendre que le problème, l'existence de ces deux registres est due au fait que cette érudition, ces textes que nous étudions si souvent, ils finissent par s'accumuler, mais ils ne se diffusent pas. Et que par conséquent, il reste un écart, un gouffre qui se creuse de plus en plus entre ceux qui suivent et ceux qui n'ont même pas les moyens de suivre. Évidemment, c'est quelque chose qui est universel. On a lu dernièrement que 9% des Français pensaient, croyaient que la Terre était plate. Donc, il faut bien sûr tout reprendre dans un certain contexte. Mais là, si vous essayez de comprendre un phénomène de transformation, il faut regarder sur tous les bords. Il faut essayer de comprendre comment ça marche, mais aussi comment ça ne marche pas. Et essayer de faire la part des choses. Et critiquer, comme je l'ai fait dans le cas de Mahmoud Raif Effendi, même les cas où on a l'impression que ça marche bien. C'est-à-dire cet atlas qui, en gros, ne sert à rien. Un atlas qui remplit un vœu pieux, celui d'avoir traduit un atlas que l'on considère être le dernier cri en matière de géographie, mais qui, en fin de compte, s'arrête là, reste un exercice stérile dont les implications pratiques restent absolument nulles. Alors, bien sûr, en restant dans le contexte de cette découverte de l'Amérique, l'historiographie turque est fière de pouvoir arborer en 1513 cette carte de l'Amérique, de l'Afrique, c'est une sorte de map monde de l'Atlantique, si vous voulez, avec l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Afrique, l'Espagne, ici. C'est cette fameuse carte qui a été découverte dans les années 20 dans les dépôts du palais de Topkapı à Istanbul et qui est attribuée, avec raison, à Piri Reis, un navigateur et cartographe ottoman, qui, en 1513, aurait dessiné cette carte à partir d'une carte de Christophe Colomb qui est aujourd'hui perdue. Ce qui donne énormément d'importance à ce document pour les cartographes, pour les historiens de la cartographie, puisque c'est en quelque sorte la reconstitution d'un maillon manquant dans la tradition cartographique occidentale. Et bien sûr, l'historiographie turque jubile à l'idée d'avoir une sorte d'effet pionnier dans un contexte de cartographie essentiellement occidentale. Donc Piri Reis, pionnier de la cartographie mondiale, est un ottoman. On dit un turc, parce que, n'est-ce pas, l'historiographie nationaliste fait l'amalgame entre tout ce qui est ottoman et tout ce qui est turc. Mais, encore une fois, quelle valeur a cette carte si, pratiquement 3 siècles plus tard, un homme, un lettré ottoman, est incapable de parler de l'Amérique et a une sorte de légende de Malikan comme représentant cette île découverte par les Anglais je ne sais combien de temps avant. Ou alors, que représente cette carte quand on sait qu'elle n'a été découverte qu'en 1929, si je ne me trompe, par des Allemands à Istanbul dans le palais de Topkapı? C'est donc que cette carte n'a pas vraiment beaucoup circulé. D'autres exemples, alors là c'est le détail de cette carte qui est effectivement extrêmement intéressant. Donc encore une fois, il faut faire la part des choses, c'est-à-dire que vous avez un document qui en lui-même est extrêmement intéressant, qui est novateur, qui a sa place dans une généalogie de l'histoire de la cartographie. Mais quand vous le replacez dans un contexte ottoman, vous avez du mal à le relier à une succession, à une lignée, à une généalogie de connaissances parmi les Ottomans. Pareil, en 1580, vers 1580, Un Ottoman anonyme publie, sous forme manuscrite, un ouvrage qui s'appelle « Tarihi Hind Garbi ». Si je traduis, c'est l'histoire de l'Inde occidentale. Les Indes occidentales, vous voyez bien que c'est l'Amérique, en 1580. Une publication qui, là, c'est une page qui n'est pas américaine, puisqu'il s'agit en fait, vous reconnaissez ici la Kaaba, c'est la Mecque, donc c'est la Méditerranée, vous voyez ici l'Espagne, etc. Bon, c'est la Méditerranée, c'est le monde connu. Mais c'est un ouvrage qui est novateur et qui surprend, qui a surpris les historiens en 1580. Et il a été repris en 1730 par Ibrahim Mutefelika. C'est un des 17 volumes qui ont été publiés entre 1727 et 1732 par cette imprimerie novatrice, cette révolutionnaire imprimerie de Constantinople, d'Istanbul, d'Ibrahim Mutefelika. Et vous y trouvez des reproductions de certaines miniatures qui s'y trouvaient, où des alligators et autres animaux américains sont représenté. C'est une traduction, c'est-à-dire qu'on sait quelles sont les sources d'inspiration pour l'ouvrage de 1580. Ce sont en général des portulans et des ouvrages espagnols et portugais. Mais peu importe, ce livre a existé, il a été produit dans l'Empire ottoman et il a été reproduit en 1730, mais il n'a pas laissé de traces. C'est-à-dire qu'il n'a pas pénétré, la porosité en quelque sorte, la réception de cet ouvrage n'a pas permis à Jabi Ömer Efendi, ma tête de Turc si vous voulez aujourd'hui, d'apprendre ce qu'était l'Amérique et que cette histoire qu'il entendait répéter par des marins n'était qu'une version légendaire, fantaisiste de l'histoire des États-Unis. Et nous avions évoqué, et là je fais un gros plan sur la partie qui nous intéresse, qu'en 1732, si je ne me trompe, c'est l'Atlas de Karatip Chelebi, qui est une traduction de l'Atlas mineur, donc une production du XVIIe siècle, qui est republiée en 1732, imprimée, premier Atlas publié, imprimé dans le monde musulman, et ça aussi. Apparemment, il n'a pas assez laissé de traces pour éviter le genre d'erreur que l'on voit débiter au début du XIXe siècle. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter l'historien Edem Eldem le 26 janvier 2018 dans le cadre de sa série « L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident ». Aujourd'hui, les premiers signes d'engagement. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos, la bibliographie et les informations autour de cette diffusion ainsi que l'ensemble des cours d'Edem Eldem. Un grand merci à Marguerite Maubert et aux équipes de la documentation d'actualité de Radio France. Réalisation Anne Sécheret, présentation Myril Meneghetti. Demain, Edem Eldem interrogera les premiers doutes ottomans face à l'Occident. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.